Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Chaud devant, une série de Michel Pomarède, réalisée par François Test. Au départ de cette série, il y a les restaurants qui ne rouvrent pas, le manque de convivialité de la période et ce souvenir de steak haché gris et triste qu'on a mangé un jour à l'hôpital. Alors pour commencer, les personnages. Un responsable qui organise, une directrice qui donne des chiffres, un pâtissier qui a bifurqué, une diététicienne qui conseille, un cuisinier et sa touche personnelle et une patiente compréhensive. Ensuite, le décor. Tours, des couloirs, de la gym, des carottes, des masques, des budgets, des camions, des livraisons, des thermomètres, des poires, un bœuf bourguignon, une chambre froide, des marmites géantes, 230 kilos de courgettes et des commissions menus. Aujourd'hui, premier épisode, on distribue les plateaux. Chaud devant. Michel Pomarède, François Test. Dans le ventre de l'hôpital de Tours. Donc, ce que je veux dire, d'un côté chaud, un côté froid. Là, du coup, je vais commencer plus loin. C'est comme dans l'avion, quoi. C'est un peu ça. En plus grand. En plus grand, quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, par exemple, ce monsieur, il doit avoir cuisse de poulet pâte aujourd'hui, les joies au café, compote de pêche. Il a un délicat boisson, c'est une boisson justement énergétique à base de protéines. Donc voilà. À midi, circule le chariot des repas dans les services du centre hospitalier régional de Tours. Mais 5 heures avant, un étrange ballet a lieu sur la plateforme de livraison des marchandises, comme l'explique Éric Guérif, responsable de production. Du réveil musculaire, parce qu'on a un timing bien précis le matin. À 7h, on fait un petit réveil musculaire. Donc c'est pour les agents qui souhaitent bénéficier d'un réveil musculaire, ça dure 3 à 4 minutes. On se met tous sur le quai principal et on fait des petits mouvements. Ça commence par la tête, le cou, les bras, les hanches, les genoux, et ensuite on finit par les chevilles. Les gens sont supposés porter beaucoup de poids ici, j'imagine, non ? Sur différents secteurs, on a différentes charges, différents poids et beaucoup de manipulations. On travaille principalement dans le froid, pour le secteur magasin, secteur production froide, et en production chaude, on travaille, comme son nom l'indique, en chaleur. Donc on vient de rentrer par l'arrière du CHU de Tours. Par l'entrée principale du personnel. Et on va donc être immergé dans la cuisine centrale. Tout à fait. Ce qu'on appelle l'UCPA, c'est l'unité centrale de production alimentaire. Vous êtes le responsable de la production. Je suis le responsable de la production. Je suis en charge de 3 secteurs. Secteur approvisionnement, donc ce qu'on appelle le magasin. Secteur production chaude, tout ce qui est cuisson. Et secteur production froide. Donc en gros, je suis responsable des produits qui arrivent des fournisseurs jusqu'au conditionnement individuel ou multiportion. Les produits commencent à arriver vers 7h, 7h10. Nous, les premiers agents en production et conditionnement arrivent à 6h. Il y a une première équipe qui fait 6h, 14h. Ensuite, la production fait 7h, 15h. Combien de tonnes par jour arrive ici ? Dans mon secteur alimentaire, on a entre 6 et 7 tonnes de produits par jour manipulés. Donc que ce soit du produit frais, du produit sec, du produit surgelé, ou des BOF, beurre, œuf, fromage. C'est vrai que voilà, quand on passe 20 tonnes de carottes sur un trimestre, c'est quand même impressionnant. Justement, les carottes, vous les appelez les terreux ici, elles arrivent déjà épluchées ? Elles arrivent déjà épluchées et boutées. Nous, le principe, c'est d'éviter de faire rentrer tout ce qui est produit terreux. Donc, on est déjà dans un domaine assez aseptisé. Si en plus, on fait venir quelques microbes à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Donc, on a pris l'option de ne pas acheter des carottes râpées, déjà toutes râpées. On les prend épluchées et éboutées. C'est-à-dire que les deux extrémités sont enlevées et tout le contour est épluché. C'est nous qui les râpons et qui les assaisonnons. Donc là, on va se mettre sur le réveil musculaire, 7h du matin. Les agents qui souhaitent participer au réveil se mettent là et ça va durer entre 3 et 4 minutes et tout le monde va y participer. Voilà. Messieurs, bonjour. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, bonjour. Il Elisabeth Mertens, vous dirigez la cuisine centrale ici au sein du CHU de Tours. Est-ce que vous pourriez me présenter un petit peu, on va dire, même en termes de personnel, combien vous avez de gens qui travaillent avec vous, pour vous, et la surface complète de cette cuisine? Alors, en fait, dans le service, il y a 122 agents. En revanche, sur la cuisine, 70 environ. Et donc, c'est sur une surface de 1600 m². Dans l'entrée, il y a les 5 points de la qualité qui sont ici au cœur de votre projet. Vous pourriez nous les résumer? Donc, en fait, on est certifié ISO 9001 depuis de nombreuses années. Et certifié ISO 9001, donc c'est une certification AFNOR qui nous aide à assurer la qualité des repas, en particulier pour obtenir la satisfaction du client final, donc c'est-à-dire du malade. Et donc, quand on est certifié ISO 9001, il faut définir une politique qualité, qui en général est un texte hyper compliqué que personne ne comprend. Et donc nous, on s'est dit qu'on allait essayer de faire un moyen mnémotechnique pour que les gens se souviennent quelles sont nos cinq choses les plus importantes sur lesquelles nous devons travailler. Donc c'est 5 S, donc il y a sécurité sanitaire, avoir des repas qui sont sains et que voilà, les gens puissent manger sans tomber malade, c'est quand même la base. Ensuite, il y a service à l'usager. Ensuite, il y a saveur dans l'assiette. Donc, essayer d'avoir un repas qui soit sain, mais qui soit également bon pour que les personnes le mangent et que les patients n'aient pas de dénutrition. À l'hôpital, on essaye de lutter contre la dénutrition. Santé et nutrition. Donc, santé et nutrition, là, c'est tout un aspect sur la diététique des repas. Donc, travailler avec les deux diététiciennes du service restauration. Allez, écoute. Sécurité et bien-être au travail. Donc, là, c'est plus tourné vers les agents de restauration. L'objectif étant qu'on assure leur sécurité, éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Allez, bonne journée à tous. Donc maintenant, distribution de masques à chaque personne. Donc chaque agent a un masque le matin, un masque l'après-midi. Hop, Philippe. Merci, Thierry, bonjour. Merci. Bonjour David. Hop, Philippe, Romain. Plus du masque donc dû à la pandémie. Comment sont habillés les personnels? Tout le personnel a une tenue professionnelle qui soit chaude, propre, à changer tous les jours, qui est composée d'une paire de chaussures de sécurité, d'un pantalon, d'une veste de cuisine, d'un petit gilet froid, éventuellement d'un polaire pour les personnes qui sont vraiment au contact du froid. Donc, et une charlotte et un masque tous les jours. Voire deux actuellement en termes de pandémie, on est plus sur un masque le matin, un masque l'après-midi. Est-ce que dans votre secteur, depuis l'arrivée du Covid-19, il y a des choses qui ont changé? On a toujours travaillé avec le masque. Moi, ça fait 4 ans que je suis arrivé ici, ça fait 4 ans le 1er novembre. On a toujours travaillé avec des masques. Auparavant, c'est vrai qu'on avait peut-être plus de masques à disposition. Maintenant, on les restreint pour éviter la pénurie de masques. Mais rien n'a changé. On réexplique régulièrement qu'il faut se laver les mains, se désinfecter les mains, mais c'est une pratique courante que l'on faisait auparavant, avant la Covid-19. On va aller faire un tour, je vais vous faire visiter l'antre de la cuisine. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien et dans le quotidien des équipes depuis l'apparition du Covid? Alors, ce qui a changé, c'est qu'il a fallu se réorganiser en permanence, puisqu'on a dû... la direction générale a décidé de ne pas fermer les selfs, contrairement à d'autres CHU. Donc l'idée, c'était d'arriver à faire manger les convives des selfs de manière sécuritaire. Donc pendant la grosse période Covid, on a tout servi en barquette à usage unique pour assurer la sécurité sanitaire. Et maintenant, on est plus sur une phase de distanciation sociale, donc suppression des chaises, et puis arriver à ce que les gens viennent manger de manière espacée dans le temps. Eric Gaïf, dans votre bureau, sur le mur, il y a marqué « Prix des plats année 2020 ». Expliquez-moi. C'est le prix de vente des plats que l'on propose sur les selfs, aux convives. Donc ça peut être le personnel de l'hôpital, ça peut être quelques extérieurs. Le prix de base, c'est 2,15€, j'ai lu. 2,15€, c'est pour la collation, enfin le petit déjeuner, la collation de 11h et le déjeuner. Et ensuite, la deuxième demi-journée, c'est la collation de 16h, le dîner et la collation de 21h. On a 2,15€ de matière première. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas s'écarter. Tout est bien grammé, tout est... Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'arriver ici au CHU de Tours, Gaïf? Avant d'arriver ici, donc ça va faire 4 ans, 1er novembre, que je suis en tant que TSH, donc c'est technicien supérieur hospitalier. J'étais dans le privé, je travaillais pour des sociétés de restauration. donc sur différents secteurs, donc directeur de cuisine centrale sur Bourges, sur Amboise, et du restaurant d'entreprise où j'étais voilà, directeur du restaurant où on faisait 1000 couverts. Votre métier de base, c'est quoi ? Mon métier de base, c'est pâtissier. Donc j'ai un CAP de pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier. Ensuite, j'ai passé un CAP et un BEP en cuisine. Donc voilà, ensuite j'ai voulu m'orienter sur le traditionnel où j'ai fait mes armes pendant à peu près 6-7 ans. Donc je suis resté sur la Touraine, j'ai travaillé sur la région parisienne, Paris, sur l'Auxerrois, service militaire en Polynésie française. Et ensuite je suis revenu, j'ai fondé ma famille. Et pour une question de stabilité, voilà, ne voulant plus travailler le soir, je suis entré dans la collectivité. Donc non pas que c'est moins compliqué, c'est totalement différent, les horaires sont plus du matin. Donc on est plus sur une fois du 6h-16h que du 10h-14h et coupure pour le soir. La pâtisserie, c'est loin ou est-ce que vous avez toujours ce goût-là ? La pâtisserie, c'est pas loin. La pâtisserie, c'est pas tous les jours, mais c'est toujours en tête, quoi. Voilà, c'est des choses, des petits travaux à la maison, des petits plaisirs, le petit millefeuille, la petite tarte, voilà, la petite pâte à choux. C'est toujours un truc-là, non, c'est ancré. La gourmandise. La gourmandise, oui. Alors, je suis le beau bébé de la gourmandise, alors. Tout à fait. Le budget total de fonctionnement de la cuisine centrale ici au CHU de Tours, Elisabeth Mertens, c'est quoi ? Alors, je ne peux pas forcément vous parler du budget total parce que je ne l'ai pas. En revanche, je peux vous parler du budget alimentaire. C'est environ 2 300 000 euros par an. Comment est-ce que vous arrivez à ce que le coût pour un usager soit de 2,15 euros ? Alors, l'hôpital de Tours est coordonnateur des marchés Uni-Achat, donc c'est un groupement d'achat des hôpitaux publics. On a environ 150 à 200 adhérents. Et donc, en fait, en achetant tous ensemble, on a des prix très intéressants. Donc, nous, on s'occupe, par exemple, du marché viande. Et ça représente 28 millions d'euros par an. Donc, voilà, quand le fournisseur sait qu'il va en vendre pour plusieurs millions, il fait des prix extrêmement intéressants. Donc, ça nous aide à tenir des coûts repas qui soient corrects. Donc là, nous sommes sur le quai de réception, un quai réfrigéré entre 5 et 7 degrés. Donc tous les produits arrivent par ce quai. Il y a évidemment une pendule sur chaque mur. Est-ce que ça veut dire que vous avez un temps chronométré ? Non, c'est qu'on doit toujours marquer l'heure de réception des produits. Voilà, on se doit de marquer l'heure de réception du produit, la température du produit, la température du camion. Voilà, tout à fait, tout simplement. Et après, c'est bien de savoir où on en est. On n'est pas au soleil direct. Donc on est toujours avec de la lumière artificielle, donc c'est pratique de pouvoir se dire, bah tiens, on est à 10h, ou alors tiens, il est 11h15, on n'a toujours pas reçu la dernière livraison, c'est un peu compliqué. Là, je présente de quoi ? Là, de charcuterie et de volaille crue. Jean-Charles Bourdeau, votre rôle ici, c'est quoi ? Mon rôle, c'est la réception des marchandises, qui consiste à réceptionner tous les produits, à vérifier quantitativement et qualitativement notre cahier des charges. Et donc le réflexe que vous avez, c'est de noter la température. Voilà, la première chose, c'est qu'on vérifie déjà la température du camion, ce qui nous donne un indice de savoir si la... Comment vous faites pour faire la température du camion ? On a un thermomètre laser qui nous permet de vérifier la température du camion à la base, qui nous donne un bon indice en ce qui concerne de ne pas briser la chaîne du froid. Ensuite, on prend la température du produit. Et si on rentre dans le cahier des charges, on a un petit résumé en fait ici au niveau des températures qui doivent être respectées, en froid négatif et en froid positif, ainsi que les DLC qui doivent être suivis. S'ils ne rentrent pas dans cette catégorie, le produit est refusé automatiquement. Ça vous est arrivé de refuser un camion ? Ah oui, tout à fait, oui. Surtout cet été avec un peu la canicule, oui, ça peut arriver que le produit soit au-delà du seuil limite pour nous. Donc là, le produit est complètement refusé et renvoyé au fournisseur. Vous voyez donc thermomètre laser, juste à côté. Donc après, le produit est trié, la DLC est prise, le numéro de l'eau, et ensuite stocké dans les chambres froides. La quoi, vous dites, est prise là ? La DLC. C'est quoi ? La date limite de consommation. Alors, dans le magasin, on va se trouver avec différents petits locaux. On a une petite zone mûrisserie. Donc, c'est ce qui nous permet de pousser les fruits et certains légumes à point. En l'occurrence, je prends l'exemple des pêches et nectarines en période d'été. Elles arrivent un petit peu dures, un petit peu fermes. C'est nous qui allons gérer en laissant une semaine ou trois jours sur une température dirigée qui est plus entre 16 et 18, voire 20 degrés. Donc ça, c'est notre petit local secret. Donc là, voilà, on va arriver dans le local mûrisserie. Il faut savoir qu'on ne met jamais les bananes au froid, sinon elles noircissent. Donc on les reçoit vertes tournantes, de façon à pouvoir les conserver un petit peu plus longtemps. Et au fur et à mesure, on ouvre, on ferme les sacs pour qu'elles aient la bonne texture. Les poires sont des poires locales. Alors, je vois parti avec un chariot rempli de yaourt. Alors ça, c'est ce qui va nous permettre de faire notre consommation du mardi soir. Ce qu'on appelle notre BLI, c'est bonne livraison interne. Donc tous les jours, on prépare, en gros, le lundi, le BLI du mardi, le mardi, le BLI du mercredi. Voilà, toujours une journée, voire deux jours pour le week-end. Là, c'est la réserve jour. Là, c'est la réserve jour, donc réserve de produits secs. Réserve de jour, en gros, ici, on a un stock de deux jours et demi de produits secs, uniquement. Donc, il y a des lentilles. On a de la lentille, on a de la tomate, on va retrouver du thon, on va retrouver de l'asperge, on va retrouver de la ratatouille, des salsifis, de la mayonnaise, des produits secs, donc ça va être des pâtes, des coquillettes, du riz, de la semoule, du boulgour, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans une cuisine. Mais que les placards ne font pas... un mètre, nous, ils font plus 20 mètres carrés. Quoi. Oui, et puis le pot de mayonnaise, il fait quand même 3 kilos. 5 kilos. 5 kilos, et c'est vrai. Et alors, et un service, on n'est pas sur un pot. On est vite sur 45-50 litres pour une recette, admettons. Donc c'est vrai que les quantités sont un petit peu plus importantes qu'à la maison. La spécificité du CHU de Tours aussi, c'est que nous gérons tout ce qui est produits diététiques, ce qu'on appelle les compléments nutritionnels oraux, les CNO. Donc, c'est les substituts de repas pour certains malades. Donc, on ne fait pas que de l'alimentaire, que de la production, que pour les malades. Aussi, on distribue quelques produits en poste, qu'on appelle voilà, la nutrition entérale. Élise David, vous êtes diététicienne au CHU de Tours. Expliquez-moi votre rôle dans l'élaboration des repas. On a d'abord, en amont, on va dire, des repas, un rôle au niveau de conseil dans l'élaboration des cahiers des charges pour les achats, pour mettre sur certains produits des critères nutritionnels. Et après, en termes d'élaboration des repas, on participe avec, aux commissions de menus avec plusieurs intervenants de l'UCPA. UCPA. Unité centrale de production alimentaire. Et par la suite, on a aussi un rôle dans tout ce qui est paramétrage du logiciel informatique, à savoir tout ce qui est compatibilité de profil alimentaire, aversion, allergie, ce genre de choses, de façon à ce que dans les services de soins, quand ils sélectionnent un profil alimentaire pour un patient, le logiciel soit en mesure derrière de recalculer automatiquement les repas correspondants. Est-ce qu'il y a un menu standard et est-ce qu'il y a des variations de ce menu standard ici au CHU de Tours ? Alors, on a effectivement un menu standard qui se décline avec trois types de populations, les adultes, les enfants et les seniors. Et après ce menu standard, on a ce qu'on appelle les déclinaisons de profils alimentaires. Donc, au total, on peut aller jusqu'à environ 80 profils alimentaires dans le logiciel de commande de repas. Si on prend par exemple un plat, le bœuf bourguignon, il est paramétré de façon à ce qu'on déclare est-ce qu'il existe en variation salée ou sans sel. Après, il y a un paramétrage en fonction des incompatibilités de régime. Là, par exemple, le bœuf bourguignon, on voit qu'on le laisse compatible, bien sûr, au standard, au pauvre en potassium, au pauvre en cholestérol, etc. Mais que, par contre, on l'interdit aux alimentations mixées, aux alimentations sans porc, aux alimentations tendres, ce genre de choses. Chaque plat est également relié à une ou plusieurs aversions qui sont définis au préalable, de façon à ce que quand le patient il déclare ne pas, par exemple, là en l'occurrence, ne pas manger de porc, ça évince ce plat de ses menus automatiquement. Et ensuite, on relie les allergies correspondantes parmi les 14 allergènes majeurs définis par la réglementation européenne. Par exemple, on a le pauvre en cholestérol sans sucre, on va avoir dans les combinaisons un pauvre en fibres strictes sans sucre large, on peut avoir le tendre trouble de la déglutition pour les patients qui sont à risque de fausse route. Donc, par exemple, dans lequel on va enlever tout ce qui va être riz, semoule, petit pois. Et dans les régimes un peu plus simples, on va avoir l'épargne digestive, un menu mixé bébé, un épargne gastrique, etc. Là, en termes de plats, on en a actuellement 1484 de paramétrés dans le logiciel. On va rentrer dans la partie... zone de stockage. Donc on a différentes zones de stockage. Dans la zone de stockage, beurre, œuf, fromage. Donc BOF, en gros, c'est tous nos yaourts. Donc là, changement de température. Là, on est entre 3 et 4 degrés. On a vraiment des températures dirigées. Donc là, on va retrouver ben, en gros toute la gamme de yaourts qu'on a besoin. Que ce soit du yaourt nature, que ce soit du fromage blanc, que ce soit de la faisselle, du petit suisse, des œufs à la coque. Donc ça, c'est un produit qui est fort plébiscité par tout ce qui est senior principalement. Donc nous, on se doit, pour les termes d'hygiène, de ne pas faire rentrer d'œufs qui sortent du cul de la poule. Donc c'est des œufs qui sont déjà désinfectés, pré-cuits et découpés au laser. Et avec une pelliterie de chauffe micro-ondes de 10 secondes, je vous ferai déguster tout à l'heure, vous allez voir, c'est impressionnant. C'est vraiment l'œuf coque comme à la maison. Donc à chaque fois, sur tous les cartons, les dates. À chaque fois, sur tous les cartons, les dates, tout à fait. Ce qui nous permet de faire le FIFO. Donc le FIFO, c'est le dernier arrivé, les premiers sortis. First in, first out. First in, first out, tout à fait. On va passer dans le frigo, viande et charcuterie maintenant. Donc là, pareil, mais qui vit à 2 degrés. Tout ce qui est viande en sauté, les bourguignons, l'agneau et tout, tout est en viande fraîche. Donc, et c'est fait directement en cuisson avec le cuisinier. On va passer sur la hop, troisième chambre froide. Là, chambre froide, fruits et légumes. Donc, et produits de 4e, 5e gamme. Donc, ce qu'on appelle 4e, 5e gamme, c'est tout ce qui est carottes. Les fameuses carottes épluchées, éboutées. Notre salade, c'est pareil, elle arrive directement lavée, prête à l'emploi. Là, on va recevoir notre première livraison d'endives. On arrive sur la période des endives. Donc on travaille avec un producteur local, bien un gros distributeur, mais voilà, nos endives viennent de la région. Donc ça, c'est vraiment un point d'honneur qu'on apporte. Oui, c'est ça. Donc là, on n'arrive pas qu'en froid positif, on a un petit peu de froid négatif sur certains produits. Donc je vous invite à rentrer une chambre froide à moins 21. Donc là on va voir tout ce qu'on peut trouver en termes de poisson. On ne travaille pas de poisson frais, pourquoi? Parce que nos fournisseurs nous garantissent à 99,9% sans arrêt. Donc à un moment c'est pareil, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il faut bien avoir un produit calibré, et surgelé et constant toute l'année. Les légumes, c'est vrai que les brocolis, ce n'est pas du brocoli frais, c'est du brocoli surgelé. Les carottes rondelles, carottes surgelées, on ne va pas se voiler la face. Et puis quelques produits, t'entends, voilà, du saumon fumé, on peut avoir des magrets de canard. Donc moi, 21, j'ai des collègues qui restent des fois une demi-heure, une heure. Et en termes en inventaire, on peut vite passer deux heures à l'intérieur. Donc on met la doudoune, quand c'est comme ça. Et le bonnet élégant. Elis David, en tant que diététicienne ici au CHU de Tours, c'est vous qui élaborez le plan alimentaire, donc la prévision des menus. Alors, le plan alimentaire, c'est, on va dire, c'est la première étape avant les menus. Donc, une fois qu'il est fait, le plan alimentaire, on n'y revient pas vraiment. Parce que, en fait, le plan alimentaire, l'objectif, c'est de se dire que, par exemple, en entrée, on veut une crudité, ou on veut une entrée de féculents, ou on veut une entrée à plus de 15% de lipides. En viande, est-ce qu'on veut du poisson, une viande non hachée de bœuf, ou est-ce qu'on veut une volaille, etc. En fait, ça, ce plan alimentaire, on essaye de se baser sur les recommandations du GEM-RCN, donc Groupement d'études des marchés de restauration collective et nutrition. Donc, en fait, une fois que le plan alimentaire, il est fait sur les 4 semaines, comme un cycle de 4 semaines, comme pour les menus, derrière, après, on va venir y mettre, par exemple, dans poisson ou préparation à base de poisson, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un colin sauce de la mer? Est-ce qu'on veut un saumon sauce aux agrumes, etc. Le menu est beaucoup plus précis que le plan alimentaire. Et autant le menu, on peut le changer bon, toutes les 4 semaines en commission de menu, autant la base du plan alimentaire, on la garde à chaque fois. Là, on se trouve sur la zone de déconditionnement. Donc, tous les produits sont reçus entiers, rangés, stockés en froid positif, froid négatif ou en épicerie. Et ensuite, on est sur la zone de déconditionnement où tous les produits vont être ouverts, plaqués, déconditionnés, prêts à rentrer en cuisson. Donc, on a un agent qui est à l'extérieur de SAS et deux agents qui sont à l'intérieur du SAS et qui vont tout ouvrir, tout désinfecter. Donc, si on prend l'exemple d'une boîte, la boîte est reçue directement de l'emballage fournisseur. Elle est posée sur le plan de travail. Elle est désinfectée à l'aide d'une lingette. Là, ma collègue a désinfecté toutes les boîtes en amont. Et on a une nouvelle boîte électrique. C'est encore le petit crapahuteur manuel. Et ça ouvre les boîtes. Alors, on a quelques boîtes capricieuses. Et là, on est dans la partie nettoyage, déconditionnement, désinfection des légumes. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la baignoire qui nous permet de laver nos tomates. Donc les tomates sont mises à tremper dans de l'eau javelisée à 3%. C'est brassé, c'est mélangé, c'est rincé et ça part en production. Donc derrière, on va trouver les cuistots en fait. On va trouver les cuistots. Voilà, production chaude, production froide. Aurélie Mellerin, vous êtes responsable qualité au sein de la cuisine centrale du CHU de Tours. La qualité de quoi ? Eh bien, tout simplement la qualité des repas qui sont servis, donc à la fois aux patients, mais également aux convives dans nos selfs et dans nos internats. Donc voilà, le but, c'est vraiment de garantir la qualité microbiologique des repas et de s'assurer qu'on a des repas qui soient sains, en fait, pour nos convives qui sont déjà pas toujours dans un état de santé très bon, forcément, à l'hôpital. Donc, Comment vous faites ? C'est quoi vos outils ? Alors, on fait intervenir des laboratoires extérieurs pour faire régulièrement des prélèvements sur nos surfaces après le nettoyage et la désinfection. Donc, ils viennent tous les 15 jours. Puis, on fait également des prélèvements sur nos produits. 5 ingrédients de base ? Non, c'est 5 recettes. On fait analyser 5 produits finis, 5 recettes différentes. On fait également des prélèvements d'air. Là, récemment, on a mis en place des prélèvements sur les mains des agents pour voir aussi la qualité hygiénique des mains de nos agents et voir si les process, le protocole de lavage des mains est bien respecté. Ça nous est déjà arrivé d'avoir certaines bactéries pathogènes dans nos résultats, mais toujours inférieures au seuil fixé par la réglementation et fixé par les laboratoires d'analyse. Donc quand c'est comme ça, on fait des tests supplémentaires aussi sur nos surfaces et puis sur les matières premières qu'on reçoit. Donc désinfection, il n'y avait pas besoin, mais voilà. Nettoyage sur chaussures. On a un lave-botte. Donc chaque accès en zone de production, on se doit de se laver les chaussures, les désinfecter. Lavage de main obligatoire, donc ça c'est pour tout le monde. Voilà, même les personnes qui ne touchent pas le produit, on est censé pousser une porte, voilà. Donc désinfection. On commande aux genoux. Donc, zone de production chaude. Donc, on a un chef de production qui s'appelle monsieur Philippe Cato. Voilà, donc, je vais vous laisser, il va vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Des fours, des sauteuses, des marmites. Donc, Philippe Cato, chef de production. Vous faites un peu le tour du propriétaire. Alors, nous sommes environ 8 à travailler en permanence. Travail de 7h à 15h. La production généralement est de 7h à 14h. Le reste du temps, c'est du nettoyage. Après, en matériel, on a 4 fours Capic de rationnel. Quelle est la hauteur des fours ? Là, on met 20 niveaux, c'est-à-dire que on peut mettre un homme d'1m80 dedans, à peu près. Derrière vous, Philippe Cato ? Une marmite qui peut tenir jusqu'à 300 litres. Ça, c'est quoi ? C'est un gratin de courgettes. Alors, il y avait 230 kg de courgettes. Donc actuellement, Olivier est en train de les graisser, de mettre le râpé dessus. Donc il y a à peu près 230 kg de courgettes gratinées. Expliquez-moi un peu le parcours. Là, donc par exemple, le gratin... Là, il y a la cuisson. Il est cuit à combien, le gratin là, de courgettes ? À 140 pendant 20 minutes, à peu près. Ouais. 25 minutes à 130 degrés en mixte. Après, là, ils vont regratiner pendant un petit quart d'heure. Après, ils vont le barqueter. Donc, de l'autre côté, en individuel. Et là, en collective. Donc là, 140 degrés, mais après, ça va dans le froid. Et après, on le refroidit. Il faut que ça descende en moins de 2 heures, de 63 à moins de 10 degrés. Mais quand c'est livré, c'est à nouveau réchauffé. Oui. À combien ? Après, c'est en basse température. C'est chauffé entre 80 et 90. Donc, en permanence, les plats, ils font chaud-froid ? Ouais, chaud-froid. Ouais. Et ça, au niveau du goût Ça altère un petit peu le goût. C'est le seul désagrément. Vous avez un parcours de cuisinier avant ? Ah oui, ça fait bientôt 40 ans que je suis dans le métier. Donc, racontez-moi un peu le parcours, Parcours, bah, j'ai commencé par du traditionnel dans relais gastro en étoilé Michelin. Après, j'ai sauté le pas pour faire un dépannage dans du industriel. Après, je suis parti au Club Med pendant 7 ans. Après, je suis revenu du Club Med. J'ai fait un peu de collectivité, mais c'était dur à s'y remettre. Et puis après, j'ai attaqué pendant 10 ans dans une brasserie. Et puis après, j'ai attaqué la collectivité pour des raisons familiales. J'avais les week-ends, le soir à la maison avec les enfants. Et généralement, c'est beaucoup de parcours qui se font comme ça. Parce que on a besoin d'un peu de souffler et puis de voir sa famille, quoi. Sinon, c'était 6 jours sur 7, et midi et soir. Et on partait le matin, on revenait le soir. Une petite coupure l'après-midi. Donc ça a permis d'avoir un peu moins d'argent, mais beaucoup de loisirs. Le goût de la cuisine, est-ce que ici, ça vous contente par rapport à votre formation, par rapport à votre parcours ? Ah, mais on peut toujours améliorer les recettes. C'est difficile. Bon, on se bat pour améliorer les fiches techniques au jour le jour. On peut amener sa petite touche personnelle. On modifie la recette. On la fait valider par la diététicienne, si ça va ou pas. Mais on essaye d'améliorer au fur et à mesure toutes les recettes. Pour pas que ce soit insipide, quoi. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, comme pour mettre votre grain de sel un peu dans la cuisine ici ? Ah bah, moi, j'ai apporté certaines techniques de cuisson lente, parce qu'il ne la travaillait pas ici. Le bœuf pendant 2 heures à 100 degrés, et ça permet de ne pas le trop cuire. Et on gagne sur le poids, on gagne du volume, on peut avoir un gain financier en même temps sur le poids, quoi. Donc c'est intéressant. Élise David, en tant que diététicienne ici au CHU de Tours, comment est-ce que vous intervenez dans la commission repas ? Par exemple, à la dernière commission de menu à laquelle il y avait une diététicienne, ils ont remarqué en point positif qu'ils avaient trouvé une amélioration nette et visible de la prestation alimentaire des menus, que les patients appréciaient les repas à thème, et après certains points améliorés, voilà, certaines viandes, une viande en particulier qui ne plaît pas beaucoup, qu'ils trouvent trop durs, trop de vinaigrette, des crudités que les patients trouvent parfois peu variées, des légumes pas assez cuits. Donc il y a des choses, bien sûr, qu'on va prendre en compte quand on le peut et qu'on va essayer de modifier. Par exemple, la viande pour laquelle ils ont relevé qu'elle était trop dure et qu'elle contient trop de vinaigrette, c'est un retour qu'on avait déjà eu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a prévu de changer, mais en ce moment, on ne peut pas parce que le produit de substitution qu'on espérait, on ne l'a pas chez notre fournisseur pour l'instant. On ne peut pas citer quel est le produit qu'ils n'aiment pas ? Alors, si, on peut le citer. C'était un bœuf froid sauce ravigote. En fait, l'aspect du morceau de viande avec un morceau un petit peu de nerf au milieu déplaît au patient. Je vois souhait de nouveaux plats. Alors oui, alors les frites reviennent souvent. Nous, en tant que diététicienne, on n'est pas du tout contre, hein. Bien au contraire. L'important, c'est aussi avant tout que nos patients mangent et qu'ils aiment ce qu'ils mangent. Les frites, on est un petit peu bloqué par les problèmes de remise en température. On est en liaison froide avec des chariots de remise en température dans les services de soins. Donc un résultat qui n'est pas très satisfaisant pour l'instant. Ils ne tiennent pas dans les barquettes. Et ne tiennent pas dans les barquettes, effectivement. C'est pourquoi nous proposons une alternative sous forme de pommes dauphines. Ah, c'est pas tout à fait la frite. Non, on est d'accord, c'est pas la frite. alors après, il y avait par exemple des souhaits de pouvoir sélectionner les parfums de l'étage fruité. Ça, c'est pas du tout possible chez nous, hein. On livre quand même à peu près 1500 repas le midi, 1200, peut-être 1300 le soir. On ne peut pas répondre à chaque demande de parfum pour les laitages aux fruits. Et là, macro, donc ça c'est une remarque d'Eric Griff, j'imagine, en dessous. Oui. Le responsable donc de la production qui dit que le macro c'est trop onéreux et les morceaux trop hétérogènes pour la mise en barquette. Oui. Voilà, effectivement. Donc fini le macro au CHU de Tours. On a des sardines sur les menus patients, pas du macro. Donc c'était un souhait d'évolution du service auquel effectivement il y a des contraintes en restauration. Et là, Monsieur Guérif avait tranché. Donc là, on se trouve dans la zone de production froide. Donc production froide où on fait tout ce qui est entrée et tout ce qui est préparation des desserts en temps. Donc monsieur David Bruer, qui est l'agent de maîtrise. Donc là on travaille entre 3 et 5 degrés, voire 7 degrés sur le poids. Là je fais mon mélange et après ça passera en machine où ce sera thermofilmé. Donc 9h moins 10, rappelez-moi la recette là. La recette, nous avons les tomates en cubes. Tomates en cube, du surimi en cube, du gruyère rondée en cube, du persil. Et vous mélangez tout ça. Et on mélange tout ça avec de la vinaigrette et évidemment du sel. Et là, il y a combien de kilos à malaxer ? Là, en tout, je vais vous montrer, nous avons... Là, nous sommes sur 150 kilos. 150 kilos de... 150 kilos de salade marine. Ce qui va représenter pour 950 personnes. En salé. Et en sans sel, nous avons 85 portions. Ça, c'est le goût de boudin noir aux pommes. Donc, les boudins sont passés aux productions chaudes. Ils ont été refroidis. Et maintenant, ils vont les mettre en barquette. Une pomme, un boudin, ça thermofilme. Depuis combien de temps vous êtes en production froide ? Depuis combien de temps ? Depuis janvier 2020. Ah, donc c'est tout nouveau ? C'est tout nouveau, oui. Avant, vous faisiez quoi ? Avant, j'étais au magasin. Combien de personnes dans ce service ? Nous sommes 7 personnes. Ça vous fait quoi de malaxer une salade comme ça à 9h du matin? Ça fait froid aux doigts, à part ça. Mais sinon, rien de spécial, non. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, vous avez encore, le temps de faire de la cuisine ou d'apprécier de la cuisine faite maison dans des proportions plus petites? Alors là, oui, en effet, quand je rentre chez moi le soir, et quand je suis cuisinier de métier, donc forcément, je vais chercher mes tomates, je vais acheter mes produits que j'aime, donc forcément... Ça n'a pas le même goût. J'ai eu un CAP cuisinier, un CAP pâtissier. J'ai travaillé en relais des châteaux. Après, je suis parti en Angleterre pendant 4 ans, 3 ans en Espagne. Je suis revenu sur Tours. J'ai travaillé également dans des restaurants sur Tours, des restaurants gastronomiques. Et après, je suis à l'hôpital depuis 2010. Et le passage du relais château du restaurant gastronomique et de la restauration collective à l'hôpital. Totalement différent. Pas les mêmes volumes, pas les mêmes produits. Pas les mêmes goûts ? Pas les mêmes goûts. Voilà, c'est un choix. C'est un choix. Au moins, j'ai eu la chance de pouvoir essayer le gastro. Maintenant, je suis en collectivité. C'est autre chose, c'est une autre vie. Est-ce qu'il y a des regrets ? Est-ce qu'il y a des souvenirs, liés à votre parcours en Angleterre ou ailleurs ? Oui, il y a toujours des regrets, on travaille vraiment différemment. Je travaillais vraiment des produits frais que je lavais, que j'épluchais. Là aujourd'hui, on a plus, par exemple, sur la carotte, on a de la quatrième gamme. Elle arrive, elle est épluchée. Je la râpe, mais à part la râper, c'est tout, elle est déjà épluchée. Votre recette favorite à vous, quand vous rentrez le soir après une journée de travail, c'est quoi par exemple ? Vous aimez cuisiner la viande, un plat en sauce ? Oui, des navarins d'agneau. Après. Pour mon enfant, des moelleux au chocolat. Tous les jours, une nouvelle recette à la maison. Pour ne pas perdre le métier. Voilà, le petit fruit qui va bien. Donc ça, c'est quoi ? C'est des desserts maison. Deux fois par semaine, on se fait des desserts maison. On appelle du riz au lait, de la soule au lait, des desserts enrichis, desserts gourmands. Pour certaines pathologies, les gens ont besoin d'avoir un petit peu plus d'apport de matière grasse. Donc on enrichit certains produits. La partie pompe, donc le sachet de tour à part un plongeur à 10 plongeurs. C'était le choix de la direction, c'est de ne pas user une personne, c'est de faire tourner un poste qui est super important, super physique. Donc en gros, les 10 derniers embauchés font une semaine sur 10, quand le planning le permet, pour pouvoir tourner en semaine de ponche. Là, la taille du chinois que je vois derrière, c'est quasiment la taille d'un chapeau. Tout à fait. Les casseroles, elles font combien là ? Ça fait 4 litres. Ça fait 1 litre. Les louches font 2 litres. Voilà. Le fouet fait pratiquement 90 cm. C'est vrai, on a des profondeurs de machine qui ne font pas loin d'un mètre. Donc, remet à l'intérieur, c'est, il faut avoir le matériel adéquat. C'est la cuisine de Gargantua ici en fait. Tout à fait. Le Gargantua ramène. Pour s'émoustiller quelques huîtres, seigle beurré, sauce échalote, vin blanc frais roulant sous la glotte, fermez les yeux, c'est l'Atlantique. Foie frais de canard en terrine, cèpes et truffes du Périgord, haussé d'un audacieux Cahors. Perfection sans ostentation. C'est la poêlée qui va aller avec les petits. Vous pouvez faire des choses avec des marrons. Marron, marron, des petits champignons. Alex, tu veux un gars en complet ? On commence à incorporer de plus en plus de repas végétariens ou de plats végétariens. On s'est lancé un petit défi cette année. On a créé une recette végétarienne avec des légumes secs, des légumineuses, du boulgour, des petits légumes. Et les galettes végétariennes aussi, on a mis en marché. On a fait des lasagnes végétariennes. Ça marche bien ? Ça plaît. Bon, il y a certains irréductibles qui cherchent la viande. Ça nous est arrivé dernièrement. On a reçu des petits coups de téléphone. Elle est où la viande ? On a fait le chili sans viande. C'est-à-dire que tout ce qui se passe quand même dans l'ère gastronomique arrive ici progressivement ? Ça déteint un petit peu, ouais. On essaye de prendre la tendance, d'une, pour nous changer la vie. Ça nous crée des nouvelles recettes, ça permet de s'investir un peu plus dans les nouvelles recettes. J'essaye de sortir et puis de prendre des idées aussi. Faire des salons, aller voir des nouveaux produits. On a de la chance ici d'avoir beaucoup de fournisseurs qui ramènent des produits pour qu'on puisse tester. Qu'est-ce que vous avez testé récemment ? Les saucisses sans viande, des trucs comme ça. Franchement... Non. Je préfère pas manger de viande. Bon, après, on fait les recettes traditionnelles. Hein. La pâte bolognaise, ça marche super bien. Il y a des plats, le poulet chasseur, ça marche bien. On fait de la purée, les gens, ils sont contents. C'est un peu comme dans une grande brasserie, en fait, ici. Il y a des incontournables à la carte. Ah, il y a les incontournables. Tous les jours, de toute façon, il y a des gens qui ils ont le choix de... Il y a certains qui ont le choix de manger. Donc il y en a qui choisissent de manger du poulet tous les jours. C'est pas rien. Est-ce que dans la cuisine centrale, ce que vous appelez le chaud, c'est le cœur du réacteur ? Ah, c'est la locomotive de la maison. Donc, là, quand tous les produits sont préparés au chaud ou au froid, c'est mis dans un frigo. On va passer vite fait dans le frigo. Que ça arrive ici, on est dans le secteur allotissement. Donc là, c'est vraiment la partie stockage, livraison et distribution pour les services et les salles finalement. C'est là qu'on prépare le plateau repas. C'est là qu'on prépare le plateau repas. Donc, on donne quelques produits à des banques alimentaires, parce qu'on travaille toujours avec un prévisionnel. On ne peut pas vous dire qu'aujourd'hui, on va avoir 1163 malades. Il y en a 1163 de marqués, il y a peut-être des rentrants, il y a beaucoup de sortants. Donc tant mieux pour eux, et c'est vrai que des fois, on se retrouve avec des surplus de production. Donc on évite de les jeter, on les fait passer sur différents services ou différents secteurs. Et quand on arrive en date limite, on a un partenariat avec certaines banques alimentaires et on donne les produits gracieusement. Pascal Mingot, vous êtes responsable de gestion de production ici au CHU de Tours. Ça veut dire que vous avez un logiciel qui est votre outil de travail, dans lequel vous rentrez quoi et à quoi il vous sert ? On rentre toutes les recettes, donc il y a une fiche technique, une fiche recette pour 100 personnes, avec des ingrédients et des articles, rattachés à un fournisseur, un planning de production, et des livraisons qui en cours par rapport à nos commandes qu'on envoie au fournisseur. Imaginons qu'il y a un afflux de patients Covid dans l'hôpital. Oui. Est-ce que ça bouleverse votre plan ? Est-ce que vous pouvez le rattraper, l'adapter ? Comment vous faites ? Parce que ces patients, ils sont intubés, ils ne mangent pas, ils sont perfusés. Oui. Donc c'est du gâchis en prévisionnel. Oui. Comment vous réagissez ? Alors là, aujourd'hui, je suis en train de reprendre par rapport à notre activité qui est en baisse par rapport en temps normal. Je reprends toutes les semaines. je redescends par rapport à ma population, mon effectif, mon pourcentage. Donc je fais jour par jour. Et on appelle le fournisseur en disant, voilà, j'ai trop de marchandises, vous nous enlevez une tant de quantité. Comment s'est passé le confinement en termes justement de production? Là, ça a été pendant 3 semaines quelque chose où il a fallu appeler les fournisseurs, décommander. C'était lourd quand même, voilà. Et puis notre activité, elle est descendue d'un seul coup. Donc, plus d'hospitalisation. Alors, les réa, bien sûr, c'est des patients qui ne mangent pas. Mais ce qu'on avait prévu, oui, on a perdu. Oui, il a fallu tout reprendre. Mais il faut anticiper parce qu'aujourd'hui, on produit à 5 jours. Donc... Là, on va aller sur les deux lignes de distribution. On a une ligne plateau, montage plateau. Après, donc, ce sera Jean-François Persson qui va vous la présenter. Et une ligne vrac. Je vous laisse avec Jean-François. Donc là, nous sommes sur la chaîne. C'est une grande chaîne où chaque gens est posté à des postes différents. Donc on a un poste où la personne, elle met la carte du patient, le pain. Un autre poste où on a les entrées. Un poste où on a les viandes, les desserts et l'autre poste où nous avons les légumes. On a un 6e poste là-bas où c'est la personne qui contrôle les plateaux pour que chaque régime corresponde bien à la carte du patient. Les plateaux s'enchaînent, les chariots. Le chariot est gazé avec le CO2 pour le maintien au frais et après il est acheminé dans la tour de trousseau. Actuellement, un service patient est à peu près sur 1500 repas le midi, 1300 le soir. Et sur les self-internats, on est sur self-internat à midi, 1500. Et le soir, on est plus sur du 450-500. Voilà, tout confondu. On fait plus d'1 million de repas par an. À peu près sur 1 500 000 repas. C'est la moyenne qu'on fait en gros, sachant qu'on est ouvert 7 jours sur 7, 365 jours. David, vous nous conduisez où ? En dermatologie. Et on va découvrir donc un patient. Un patient avec le service des repas en chambre. Ça vous arrive de vous déplacer vous aussi pour aller voir si ce que vous avez imaginé dans les commissions repas est apprécié par les patients ? Alors en fait, moi j'ai 30% de mon activité diététicienne dans les services de soins. Donc 3 après-midi par semaine, je peux voir de ce qu'il en est en termes de repas. Eric Guérif, vous disiez participer par moment à des repas tests pour avoir un peu le ressenti du patient. La réputation quand même des hôpitaux, c'est qu'on y mange mal. C'est une fausse idée. On y mange mal, pourquoi ? On se doit d'avoir un minimum de produits gras. On se doit d'avoir un minimum de sel. On évite tout ce qui est produit allergique. Donc c'est vrai que ça nous restreint énormément. On mange des produits plus naturels. Après, l'image de l'hôpital, c'est qu'on mange dans une barquette. Et c'est vrai que manger dans une barquette, déjà, visuellement, il vaut mieux avoir l'assiette porcelaine, c'est plus plaisant, les couverts et tout. Mais la barquette, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu... Ouais, ça rebute un petit peu, c'est vrai. Donc, Laurence Léon, d'hôtelière de dermatologie. 11e étage du CHU de Tours, service dermatologie, avec vous Laurence Léon. Expliquez-moi quel est votre rôle. Alors je suis aide hôtelière en dermato depuis 18 ans. Donc mon rôle avant tout, j'ai une fonction d'aide-soignante, aide hôtelière. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est repas, donc commande de repas. Après je passe tous les jours dans les champs faire du choix journalier pour les patients, c'est-à-dire que je leur fais choisir leur repas. Selon les régimes, s'ils sont sans sucre, sans sel, hypercaloriques. Et puis après, je m'occupe de tout ce qui est commande, donc entre autres alimentaire et autres. Le grand public a l'image qu'on mange mal à l'hôpital. Et en vous entendant, on entend choix, on entend proposition, on oui. entend attention au goût. Oui. C'est nouveau. Moi, je pense depuis le temps que je suis aide hôtelière, oui, je pense qu'on a beaucoup amélioré les choses à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait moins de saveurs. Est-ce qu'on peut parler d'un effet placebo du repas ? D'abord, je trouve que l'alimentation, c'est un soin à part entière. Donc, je trouve ça très important que le patient mange correctement, Parce que ça permet aussi, je dirais pas sa guérison, mais ça importe pas mal. Nous, on a des gens qui ont des escarres, qui ont besoin de manger très protéiné. Donc c'est important, l'alimentation est très importante. Est-ce qu'il y en a qui perdent le goût ? Oui, nous, il y en a qui perdent le goût. Malheureusement, on a des gens qui ont des chimiothérapies. Donc, en effet, selon les traitements, on peut avoir des dégoûts et aussi perdre le goût, en effet. Donc aussi, on essaye de s'adapter à ce genre de pathologie. On va leur proposer, à la limite, des choses qui ont moins de saveur pour pas les dégoûter. Vous voyez, par exemple, des viandes qui vont avoir une odeur un petit peu, ou le poisson, on va éviter. On va leur donner plutôt des crudités, des petits desserts enrichis, mais des petits desserts et des petites collations. Vous, qu'est-ce que vous mangez, Laurence Léon, pendant votre service ? La nourriture produite ici ou vous apportez ah vous-même ? Non, pas du tout, jamais mon repas. On n'est pas du tout amené à manger les repas de l'hôpital. On doit... le non, on n'a pas le temps. Déjà, il faudrait qu'on se rhabille, donc on ne peut pas s'habiller. Non, non, on amène tous, comme on dit, notre gamelle. Ouais, voilà. Ouais. Alors, les œufs durs en entrée, vous avez cuisse de poulet, riz pilaf, camembert, oui. Entremets vanille sans sucre, et voilà. Je vais vous le rapprocher. Votre prénom, c'est quoi ? Marilyn. Le repas ou les collations, pour vous, c'est un moment important dans la journée ? Bah oui, parce que ça scinde malgré tout la journée, puis ça nous permet de voir du monde aussi. Il y a ça aussi. Et je trouve que l'alimentation s'est améliorée au fil des ans, parce que j'y viens depuis 25 ans. Donc c'est pourquoi je me permets de... Et donc, il y a 25 ans, l'alimentation n'était pas... On n'y faisait pas aussi attention. C'était pas recherché du tout. Disons qu'on nous nourrissait. Alors que là, maintenant, on recherche la saveur, malgré tout. C'est de la cuisine... Comme à la maison ? Ah non, pas tout à fait. Enfin, si je me base sur moi, c'est pas ça. Non, d'un bon restaurant d'entreprise. C'est une société qui respecte ses employés. On n'est pas au restaurant. Hein. On est bien nourri. Hein. C'est assez bon. Hein. Mais c'est tout. Faut pas non plus... Ça, c'est parce que je pense aux critiques que les gens peuvent faire. C'est tout. Et quand on vous propose une carte, c'est... Ah, c'est bien ça. Parce qu'on mange ce que l'on a envie. C'est tout. Bon appétit. Merci. C'est rien. Dans le ventre de l'hôpital de Tours, avec Elisabeth Mertens, responsable de la restauration, Élise David, diététicienne, Aurélie Mellerin, référente qualité, Pascal Mingot, responsable de gestion, Laurence Léon, aide hôtelière, Éric Guérif, responsable de production, et les cuisiniers Philippe Gâteau et David Bruer. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomaret. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à l'hôpital, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, à la rencontre d'une jeune chef. Mais en attendant, restez à l'écoute. Oh, je ne...